Bonjour, je suis le professeur Daniel Thomas, cardiologue. Je suis ancien président de la Fédération française de cardiologie et nous allons aujourd'hui parler du tabac qui est un facteur primordial dans la prévention cardiovasculaire. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. Juste sorti de 2 ans de Covid, voici que plane déjà le spectre d'une nouvelle zoonose, la variole du singe, avec plus de 200 cas en Europe, dont 7 en France. Ce nouveau virus, majoritairement bénin, inquiète les autorités de santé et réveille d'autres inquiétudes, celles d'une pandémie, à peine la précédente passée, si tant est qu'elle soit vraiment passée. Quelles leçons avons-nous tirées de l'information sur le Covid? En faisons-nous trop ou pas assez sur cette maladie émergente? Ce sera notre débat du jour. Nous parlerons également de la mission Artemis et de la sortie du Space Launch System, de la notion de symbiose et de la façon dont elle redéfinit la notion de vivant, et d'Edmond Perrier, naturaliste extraterrestre. Variole du singe, Artemis, symbiose et extraterrestre, c'est le programme généreux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce vaste programme, la belle équipe d'extra-vulgarisateurs et vulgarisatrices réunies autour de cette table. Bonjour Cécile Breton. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu, Frequenza Mora. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèce et autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Hénaré-Rose, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et Philippe Pajot, bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Rédacteur en chef du magazine La Recherche. Mais on commence par celle qui chaque jour à 16h02 descend de sa planète lointaine pour nous apporter notre lot d'informations scientifiques, pourquoi pas. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha pour le journal des sciences, Natacha Triou. Et on commence avec une étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les systèmes solaires se volent des planètes et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Oui, les planètes se forment autour de jeunes étoiles et cette formation ne se fait pas de façon uniforme dans la galaxie. Elle se forme en amas. Les systèmes planétaires, donc l'étoile jeune et son cortège de planètes, peuvent donc être proches les uns des autres et interagir gravitationnellement. La gravité d'un système peut modifier l'autre système planétaire, ce qui va modifier le mouvement des planètes autour de leurs étoiles. Certaines peuvent même être éjectées de leur système et devenir des planètes errantes, ou être capturées par un autre système planétaire. Des chercheurs britanniques ont étudié la dynamique d'un amas d'étoiles et par modélisation, ils ont calculé au cours du temps quelles sont ces interactions entre les planètes et les étoiles. Ils ont découvert que ce phénomène de rapt est plus fréquent qu'on ne le pensait, ils parlent même d'un grand braquage planétaire. Une planète sur 50 pourrait avoir été volée par une autre étoile. Héloïse Méheux est chercheuse CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont étudié la dynamique d'un ensemble d'étoiles autour desquelles il peut y avoir eu formation d'une planète. Et ils classent les planètes en différentes populations, principalement celles qui sont restées autour de leur étoile où elles se sont formées, les planètes qu'ils appellent préservées. Il y a aussi les planètes qui ont donc été capturées après une phase d'errance. Et dernière catégorie, les planètes volées, c'est des planètes qui ont été transférées d'un système planétaire à l'autre sans passer par cette phase d'errance. Puis compare les propriétés de ces différentes populations de planètes. Dans les régions denses de formation stellaire, les planètes qui ont été capturées et sont statistiquement plus loin de leur étoile que les planètes préservées dans leur système d'origine, mais aussi que les planètes qui ont été volées directement d'un système planétaire à l'autre. Mais aussi que la forme de l'orbite, de l'ellipse, et l'inclinaison de cette orbite, pour les planètes capturées et pour les planètes volées, sont assez semblables statistiquement, mais est différente de la population de planètes préservées. Et tous ces résultats, ils me paraissent intéressants pour comparer aux populations d'exoplanètes observées, dont on peut mesurer les caractéristiques des orbites. Et donc, ça permet de donner des indications, permettant d'estimer dans quelle mesure ces planètes sur ces exoplanètes, ont eu une chance d'avoir été formées sur place ou dans un autre système planétaire, et comment elles ont pu être transférées d'un système planétaire à l'autre. Est-ce que notre système solaire a pu voler une autre planète ? Alors, c'est une question, en effet, que les auteurs se sont posées, puisqu'il y a une recherche actuelle d'une éventuelle 9e planète dans notre système solaire, qui n'a pas encore été détectée, donc on ne connaît pas les caractéristiques, mais on a une idée du type d'orbite qui pourrait exister si cette 9e planète existait. Et ils essayent de contraindre, dans le cas où cette 9e planète existerait dans le système solaire, de contraindre l'origine de cette 9e planète. Ils proposent que, du fait des caractéristiques attendues de cette 9e planète, dans ce cas-là, elle aurait été capturée, donc elle aurait eu une phase d'errance, puis aurait été capturée dans le système solaire. Voilà, et comme tous les jours, vous pouvez retrouver l'étude initiale et intégrale via le lien que nous venons de poster sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, selon une étude parue hier dans la revue Science, nous venons de découvrir un nouvel ingrédient dans l'atmosphère terrestre. Un composé qui a toujours existé mais que nous n'avons encore jamais observé. Cette nouvelle classe de substances, ce sont les hydrotrioxides, ROOH. Alors, grâce à la spectrométrie de masse, une équipe internationale vient d'obtenir des preuves directe que la formation de ROOH a lieu sous conditions atmosphériques. Selon les auteurs, chaque année, environ 10 millions de tonnes métriques se forment dans l'atmosphère par oxydation de l'isoprène. Leur durée de vie est courte, de quelques minutes à quelques heures, mais selon les auteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le rôle de ces composés hautement réactifs pour la santé et l'environnement. Et on poursuit avec notre deuxième sujet fraîchement sorti comme chaque vendredi des laboratoires français selon une étude parue dans Communication Biology. Nous venons de découvrir que le système de communication des chimpanzés est complexe. On sait que les chimpanzés ont un répertoire vocal qui est plutôt limité par rapport à d'autres espèces animales et de primates. Mais on sait aussi qu'ils ont un monde social complexe. Ils font par exemple des coopérations pour la chasse ou pour la défense de leur territoire. Comment communiquent-ils ? Alors pour répondre à cette question, cette équipe internationale a analysé 900 heures de rush et 5000 enregistrements de chimpanzés sauvages en Côte d'Ivoire. Alors personne n'en avait vraiment analysé dans le détail, à l'échelle de leur répertoire complet, comment ces animaux combinent les cris les uns avec les autres. Les chercheurs ont découvert que ces primates ont seulement 12 types de cris simples, mais ils les combinent dans des séquences, dans 390 séquences différentes. C'est la première fois qu'on met en évidence un système de communication vocale chez les chimpanzés avec une telle complexité. Cédric Girard-Butoz est post-doctorant CNRS à Lyon et affilié à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste. Il est l'auteur de cette étude. On trouve que non seulement ils créent des séquences vocales comme ça avec leur type de cri, mais en plus ces séquences vocales sont vraiment structurées. C'est-à-dire que les éléments apparaissent à des positions spécifiques. Donc il y a certains types de cris qui vont être en début de séquence, certains types de cris qui vont être en fin de séquence. Et en plus de ça, on a trouvé qu'il y a vraiment une relation, on va dire, structurelle entre les éléments. C'est-à-dire que s'il y a un élément, par exemple A, il va être très souvent suivi par un élément B et pas par un autre élément. Et aussi, il y a de la recombinaison. Donc, par exemple, ce qu'on appelle des bigrammes, c'est-à-dire des séquences vocales avec deux types de cris combinés, qui vont être recombinés dans des séquences plus larges, donc des séquences qu'on appelle des trigrammes, par exemple, avec trois types de cris. Par exemple, il y a le « ou », donc ça va faire quelque chose comme « ou ». Et après, il y a des cris qui vont être plus des grunts, par exemple. C'est des cris qui vont donner souvent à de la nourriture, donc qui vont être, par exemple, donc plus gluttural. Et donc, ils pourraient faire une séquence, par exemple, « ou grunt », qui va être « ou Donc ça va être une séquence avec deux types de cris. On a des types de cris donc simples, ce que je viens de vous faire, et on a ce qu'on appelle les types de cris qui sont panted, on dit en anglais, donc ils vocalisent en inhalation et en exhalation. Donc c'est-à-dire que par exemple, ça va faire quelque chose comme c'est une vocalisation continue avec des éléments d'inhalation sonore entre les types de cris. Et ça, on appelle ça des cris panted. Et donc par exemple, on appelle quelque chose le pant grunt, qui va être un cri de soumission et qui va changer de fonction par rapport à un grunt qui est un cri plus par rapport à la nourriture. Ils peuvent mettre ces deux cris ensemble dans des soumissions très prononcées, par exemple. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que les gens disent qu'ils parlent, mais c'est vrai qu'on a trouvé une structure qui n'a jamais vraiment été documentée dans d'autres espèces animales à ce niveau-là, parce que les sons qu'on utilise dans notre langue n'ont pas de fonction et n'ont pas de sens, alors que les types de cris des chimpanzés ont des sens. Et donc c'est plus comme allier plusieurs sens ensemble dans une structure structurée, mais après c'est pas forcément de la grammaire, dans le sens où on n'a pas trouvé de la récursion comme on trouve dans la grammaire humaine. Ce qui est important, c'est que même si c'est très complexe par rapport à ce qui a été documenté chez d'autres animaux, ça reste quand même beaucoup plus proche que ce que les autres animaux sont capables de faire que du langage humain au niveau complexité, on va dire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que donc on a un ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos, et donc ce qu'on essaie de retracer, c'est à quel moment le langage a pu émerger et à partir de quel type de ce qu'on pourrait appeler un proto-langage il a pu émerger. Et ça peut nous donner une idée de ce qui était produit par un ancêtre commun aux deux espèces et qui n'existe plus, du coup on ne peut pas le sonder, comme on dit, on ne peut pas faire parler les fossiles. Voilà pour cette première leçon, ce premier cours français chimpanzé avec des éléments de grammaire. On continue avec l'actualité des sciences de cette semaine en ultra bref, Natacha. Cette semaine, un foyer de peste porcine africaine a été détecté en Allemagne, à 6 km de la frontière française. Les 35 porcs ont été abattus et aucun cas n'a été identifié dans les alentours. En Italie, le virus circule dans la faune sauvage depuis janvier. Il existe pour l'heure ni traitement ni vaccin. Le ministère français de l'Agriculture a annoncé hier qu'il lancera la semaine prochaine une cellule de crise. Cette semaine, nous avons pour la première fois séquencé le génome d'une des victimes du site archéologique de Pompéi. L'ADN d'un homme, mort lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79, a été extrait de l'os du crâne. Ces informations génétiques nous apprennent que cet homme était italien et avec la présence d'ADN de Mycobacterium tuberculosis qu'il souffrait de tuberculose. Pas de grande surprise, mais en paléogénomique, il s'agit d'une percée. Et enfin cette semaine, nous avons peut-être une réponse à la question qui anime les paléontologues depuis des années, les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou à sang froid ? La réponse est les deux. Grâce à des indices chimiques préservés dans les fossiles, les chercheurs ont étudié les taux métaboliques de différentes espèces et estimé leur chaleur corporelle. Le stégosaure serait donc un animal à sang froid, comme les reptiles, et le T-Rex, lui, un animal à sang chaud, comme les mammifères et les oiseaux. Et on termine comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Selon une étude parue dans Science Advances, les dauphins reconnaissent leurs amis en goûtant leur urine. Oui, un peu comme les chiens, les dauphins s'inspectent les organes génitaux. Ils peuvent aussi se reconnaître par le goût. Une équipe internationale étudiait une espèce de grand dauphin. Les chercheurs ont versé devant eux des échantillons d'eau qui contenaient de l'urine, soit de dauphins familiers, soit d'inconnus. Il se trouve qu'en présence d'une urine familière, les dauphins passent trois fois plus de temps dans cette zone. Ces animaux utilisent donc des stimuli gustatifs pour reconnaître un ami et leurs panaches d'urine sont peut-être des signatures gustatives. Rien. Pas de commentaire. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve non pas lundi mais la semaine d'après. C'est Antoine Beauchamp qui prendra la relève du journal des sciences pendant qu'on vous souhaite une bonne semaine de vacances. Merci. L'actualité scientifique cette semaine, c'est bien sûr la variole du singe, cette nouvelle zoonose découverte pour la première fois en 1958 sur un groupe de macaques, mais plus généralement portée par des rongeurs et qui se répand en Europe et en Amérique du Nord. Un peu plus de 200 cas avérés à l'heure où nous parlons, dont 7 en France. Plusieurs pays ont décidé de procéder à la vaccination des cas contacts pour éviter que la maladie ne se diffuse. Reste cette question, est-ce que le Covid nous a rendus plus sensibles à ces maladies émergentes? Comment évaluer correctement la menace que fait planer ou non cette nouvelle maladie? Les journalistes, nous et les journalistes scientifiques, en font-ils trop ou pas assez? Écoutez en tout cas la façon dont ce sujet a été traité dans les médias cette semaine. C'est un montage signé Hélène Trigueros. Qu'il s'inquiétait de la mystérieuse variole du singe qui a touché plusieurs dizaines de patients ces dernières semaines. L'alerte prend de l'ampleur depuis début mai. Dans plusieurs pays d'Europe, comme aux États-Unis et au Canada, des cas de variole du singe ont été confirmés. Apparue en Afrique, la variole du singe continue de s'étendre. Plus de 180 cas sont aujourd'hui confirmés dans 16 pays à travers le monde, et notamment en Europe. Selon les derniers chiffres, 57 cas ont été déclarés au Royaume-Uni, 41 en Espagne et 37 au Portugal. La France, elle, compte actuellement 7 cas avérés. Quels sont les symptômes de la maladie ? Ça commence par une fièvre et un syndrome grippal avec mal à la tête et des douleurs diffuses. Et au bout de 2-3 jours apparaît une éruption, c'est-à-dire des boutons, qui prédominent au niveau du visage et des membres et qui évolue en plusieurs phases. Puis finalement, ça devient des croûtes et à ce moment-là, les gens guérissent. La transmission de la maladie se fait d'abord de l'animal à l'homme, via des singes ou des rongeurs malades, au contact de leur peau par exemple. Mais elle peut aussi se faire d'un homme à un autre, lors d'échanges très rapprochés et prolongés. Alors, doit-on craindre une épidémie d'ampleur ? Sa propagation ces dernières semaines a suscité de vives inquiétudes. Mais la variole du singe présenterait en réalité un risque de contagion très faible dans la population, l'OMS veut rassurer. Il s'agit d'une situation maîtrisable et nous pouvons mettre fin à la transmission. Il existe des antiviraux et des vaccins. Nous devons les utiliser de la manière la plus appropriée pour ceux qui sont le plus à risque. Aujourd'hui, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, en déplacement à l'Institut Pasteur, a tenté de rassurer sur une éventuelle propagation du virus en France. On est aujourd'hui dans une situation qui est maîtrisée, qui est identifiée, et nous allons continuer bien sûr à surveiller cette situation comme les autres pays européens. Car l'infection se diffuse moins vite que beaucoup d'autres. Elle n'a pas la capacité de transmission et de contagiosité d'autres maladies virales comme la grippe ou le Covid-19, mais il faut quand même la prendre en considération parce que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. On est prudent parce qu'il y a une grande question qui reste. Pourquoi est-ce que ce virus qui restait en Afrique maintenant apparaît dans différents continents ? Voilà, beaucoup de questions. Alors, peut-être un premier tour de table simple. On va commencer avec vous, Cécile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que on est devenu trop prudent ? Est-ce que le Covid a un peu échaudé tout le monde, y compris les confrères et consoeurs journalistes ? Ou est-ce que finalement, c'est une couverture tout à fait respectable et qui prend la juste mesure de la menace que fait peser cette nouvelle maladie ? Enfin, il y a des exemples qui sont assez drôles dans votre petit extrait là, mais c'est vrai que bon, il y a quand même un ton. Alors, je ne sais pas si c'est une sélection parce que je n'ai pas écouté tout ce qui a été, ce qui est sorti sur le virus, mais il y a un ton qui est quand même assez angoissant. Derrière, il y a souvent des interviews scientifiques qui ne peuvent que dire ce qu'ils savent. Et bon, évidemment, sortir des faits sans pouvoir ni rassurer, puisque pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Enfin. On sait que, si j'ai bien compris, ce qu'on sait, c'est que c'est pas une menace aussi terrible qu'a pu l'être le Covid au début de la pandémie. Maintenant, oui, c'est toujours le même problème. En fait, si on expose les faits, est-ce qu'on est, nous, journalistes, responsables de la façon dont les gens vont les interpréter ? Alors, est-ce qu'il faut ne pas en parler ? À mon avis, c'est impossible, parce que dans le cas d'un problème sanitaire, il faut évidemment en parler. Maintenant, est-ce qu'il faut plutôt expliquer qu'il y a des moments où la science peut pas donner une réponse immédiate ? On a eu le même problème avec le Covid. C'est difficile à trancher, quoi. Oui. Philippe, bah, votre sentiment, parce que c'est vrai que pendant l'épidémie de Covid, l'un des problèmes que l'on avait adressé, c'était l'incapacité à dire on ne sait pas. Est-ce qu'on a appris de ça à votre avis ou pas ? Oui, et je pense qu'on est quand même dans une situation très très différente. Le Covid, quand il est apparu, on le savait pas effectivement, et on savait pas grand chose sur sa transmission, sur sa létalité, sur sa mutation. Là, on est dans une situation très différente puisque c'est quand même une maladie qui est apparue en 1958. Premier cas humain en 70, et on a compris quand même pas mal de choses dessus. On sait des choses sur sa mutabilité. On sait que ça mute beaucoup moins. C'est un virus ARN ADN, qui du coup, d'un point de vue génétique, est beaucoup plus stable et donc du coup mute beaucoup moins. On sait des choses sur sa transmission aussi, donc qui est quand même transmission qui est pas aérosol, qui est pas gouttelette pulmonaire. Qui se transmet assez mal. Par ailleurs, les gens comme de plus de 40 ans comme moi, on a été vaccinés contre la variole, et même si c'est des choses différentes de la variole, il y a une immunité croisée, donc on est relativement bien protégé. Donc du coup, l'un dans l'autre, les scientifiques sont rassurants, ils ont raison de l'être, et je pense que la presse et les médias font leur travail en relatant ce qui se passe, mais disons qu'il n'y a pas d'alarmisme, qui me semble-t-il. On en a quand même effectivement beaucoup parlé. Est-ce qu'on en a trop parlé ? Votre sentiment, Philippe Benarré-Rose ? Alors là, pour le coup, moi je suis comme un auditeur ou un lecteur lambda, parce que ce n'est pas ma spécialité du tout, mais non, j'ai l'impression que c'est relativement équilibré. En fin de compte, c'est normal qu'après un épisode aussi impactant que le Covid sur nos vies, sur nos économies et sur tout ce qu'on connaît, on soit un peu alerté quand on voit une nouvelle comme ça. Il y a un effet naturel qu'on voit dans les médias et dans d'autres sujets quand il se passe une sorte de fait, on est tout de suite plus attiré par des faits qui semblent similaires et qui se produisent juste juste après qu'on aurait peut-être pas remarqué. Donc ça, c'est peut-être un biais. Malgré tout, dans le traitement de ce que j'ai pu en voir, effectivement, c'est bon. Il peut y avoir quelques ça et là, quelques déclarations un peu alarmistes ou un peu trop fortes. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que on n'est pas dans la panique. On est dans l'information. Effectivement, on dit ce qu'on sait. C'est normal d'informer et c'est normal d'être, en tant que citoyen, plus à l'écoute de ce genre de nouvelles après le Covid, c'est normal. La question qui se posait dans le traitement de cette actualité, c'est de trouver finalement le bon chemin, Cécile Breton, dans ce qu'on a appelé pendant l'épidémie de Covid, le rassurisme d'une part ou le catastrophisme de l'autre. Est-ce que votre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ce chemin-là, il a été à peu près trouvé pour la variole du singe? Il me semble tout de même que, c'est, par exemple, il y a eu une épidémie de variole du singe aux USA en 2003, il n'y a pas très longtemps, donc 81 personnes infectées, aucun mort, et à l'époque ça n'a vraiment juste pas du tout transpiré dans la presse, ça n'était quasiment pas une information, donc il y a quand même un degré d'attention à ces maladies émergentes qui a évidemment et obligatoirement augmenté depuis le Covid. Quel est votre sentiment à ce propos? Oui, c'est ça. Je pense que le Covid, il a fait chambre d'écho, en fait, à cette actualité, parce que, bon, après, effectivement, il y a quand même certains journalistes qui vont utiliser on a beaucoup vu ce terme de mystérieuse maladie. C'est une maladie qui est connue depuis longtemps. Effectivement, le problème, c'est qu'elle sort de sa zone endémique. Et donc là, il y aura toujours quelques journalistes pour justement attirer l'attention en faisant un peu peur. Maintenant, derrière, je trouve que quand même les scientifiques, ils ont quand même un peu de mal à rassurer. Derrière, il y a le fantôme du vaccin qu'on va imposer aux gens. Donc là, toute la sphère anti-vax rentre en panique. Le nouveau gouvernement va encore nous imposer un vaccin supplémentaire. Alors justement, le vaccin de la variole, je crois qu'il est plus dans les vaccins obligatoires, mais il va peut-être revenir. Mais bon, voilà. Après, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas, enfin, on est censé exposer. Je pense que les faits, ils sont quand même exposés de façon assez qualitative. Maintenant, il y aura toujours des gens pour surinterpréter ou surangoisser à partir de pas grand chose, parce qu'effectivement, mais peut-être que ce traitement médiatique, il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le Covid juste avant, quoi. Parce qu'on c'est certain. Oui, on est encore sur des cas très très limités. Philippe, votre sentiment justement sur ce juste chemin, on a tout de même collectivement appris sur le traitement de ce type d'information sanitaire par rapport au Covid, et même si, comme vous l'avez tout à fait justement précisé tout à l'heure, on est dans un contexte très différent puisqu'on connaît le virus, on a des traitements, on a du vaccin, on a des antiviraux, c'est effectivement... C'est très différent, et donc de ce que j'ai vu du traitement qui a été fait, le juste milieu a été vraiment, enfin, le bon ton a été utilisé, même si comme l'ont dit mes camarades, la chambre d'écho du Covid a été énorme. Sur la vaccination, ce qui a été préconisé là, c'est la vaccination des cas contacts. Des cas contacts. Ils sont pas très nombreux et donc sans doute inférieurs à 40 ans, parce que les autres sont vaccinés, donc ça représente pas énorme, et donc du coup si la sphère anti-vax s'affole, mais ça c'est son problème. C'est son problème, voilà, mais voilà, les choses devraient bien se passer, on va dire. Voilà, on va évidemment continuer à suivre cette actualité dans le Journal des Sciences. Il y a tout de même encore, pour conclure, on lit quand même de la part des épidémiologistes, je lisais justement un papier d'Antoine Flao il y a peu de temps, Cécile Breton, qui rappelle malgré tout qu'aujourd'hui, le doublement du nombre de cas se produit tous les 3-4 jours, donc on a encore pour le moment de vrais points d'interrogation quant à savoir si cette épidémie va pouvoir effectivement être limitée, être contenue, ou si on se dirige quand même vers quelque chose qui peut prendre une certaine importance, avec encore une fois toutes les précautions et tout ce que l'on vient de préciser sur la nature même du virus, qui est effectivement finalement assez peu contagieux et surtout très bénin, puisqu'il n'y a pas encore eu de décès, faut le rappeler. Oui, et surtout, elle devient contagieuse alors que les symptômes sont déjà là. Donc, c'est quand même assez rassurant, quoi. Du moment que, donc, il y a une façon de se protéger naturellement, de ne pas aller faire des hugs aux gens avec des pustules sur le visage, par exemple. Voilà. C'est conseil numéro un pour votre week-end. Vous qui êtes dans un week-end prolongé, n'allez pas faire de câlins à des gens qui ont des pustules. Ce sera la phrase du jour et la fin de ce débat d'actualité. On va passer à notre dossier du jour. Dias sem carinho, só que não me desespero. Rango, alumínio, a pedra, carvão e ferro. É quando sou mais sincero. Eis a Babilônia, amor, e eis Babel aqui. Algo da insônia do seu sonho antigo em mim. Eis aqui o meu presente de navios e aviões, holofotes, noites afora e fissuras. Queimar-se combustível pra se gastar o carvão, o desespero, o alumínio e o coração. Du groupe Symbiose, dont il sera question dans quelques minutes à 16h30 sur France Culture. On va passer à notre premier dossier du jour. Et quel dossier ? Un dossier embedded, comme on dit dans la langue de Shakespeare, puisque nous avons autour de cette table le seul journaliste français, mesdames et messieurs, qui a assisté à la sortie du Space Launch System, la fusée qui va renvoyer les femmes et les hommes sur la Lune dans quelques années. Et Philippe Hénaréros, vous allez nous raconter cette expérience dingue de voir ce monstre, ce titan sortir de son hangar. Comment c'était ? Racontez-nous un peu dans quel contexte vous y êtes allé, comment c'est passé ? Alors, c'était le 17 mars dernier. Pour la première fois, la fusée a été entièrement assemblée. Alors, donc, elle est haute de 98 mètres de haut et elle est sur sa table de lancement qui mesure bien 25 mètres de haut. Donc vous voyez, ça fait quand même un gros truc avec une tour, des tubulures en fer à côté pour l'accompagner. Et donc c'était un retour un peu quand même, il y avait un côté Air Apollo, oui, où oui. En 1967 la NASA a sorti pour la première fois la Saturn V, qui était d'un gabarit un peu plus élevé, mais c'était aux mêmes endroits. Ouais. C'était la même cathédrale du spatial qu'est le Vehicle Assembly Building, qui est ce cube de 130 mètres de côté et donc de hauteur dans lequel les Américains assemblent leur fusée lunaire, leur navette spatiale et maintenant leur nouvelle fusée lunaire depuis les années 60. Donc il y avait un retour sur un lieu mythique vers une ère de lancement qui a vu deux lancements Apollo. Cette fusée, comme ça, passée sur son tracteur, le tracteur qui au passage lui-même pèse 2700 tonnes, oui. Avec des chenilles qui sont plus hautes que vous, et il nous est passé à 30 mètres, on était un peu parqués dans un champ avec une ficelle, un peu comme le bétail, hein. On n'a pas le droit de sortir. Il y avait combien de journalistes? On était 200, d'accord. Mais c'était principalement des Américains, il y avait quelques Européens, j'ai pas entendu d'autres Français, donc... C'était au Centre Spatial Kennedy, hein, c'est en Floride. C'était en Floride, donc voilà, ça a été une espèce de moment attendu par tous ceux qui ont connu l'époque Apollo. Moi, je l'ai pas connu. En fait, j'étais trop jeune, donc je voulais voir ça. Et j'ai regardé cette fusée qui, quand même, passait à 1 km/h, 1,5 km à l'heure devant nous, à une trentaine de mètres. Donc, c'est très impressionnant. Elle est très haute. On a quand même un peu l'impression d'une tour Eiffel qui se balade devant vous, hein. Enfin, un pied de la tour Eiffel. Oui. La tour Eiffel est plus haute. Un peu plus. Et plus lourde. J'ai aussi regardé les gens. J'ai aussi regardé les gens autour, la veille, le lendemain et les jours suivants, parce que on voyait la fusée dans les yeux des gens. Et ouais. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus, peut-être aussi. C'est le regard qu'ont les Américains sur leur fusée. Oui. Cette fusée, vous savez, elle est en retard de plusieurs années sur le programme prévu. Elle aurait déjà dû voler, selon les plans initiaux. Mmh. Elle coûte 4 fois plus cher que ce qui était prévu. C'est-à-dire 4 milliards d'euros, c'était prévu 800 millions. Voilà, un peu moins d'un milliard. Mmh. Elle est encore en retard. Là, après cette sortie, c'était pas une sortie pour la montrer à la presse, c'était une sortie pour aller faire des tests sur le pas de tir. Mmh. Les tests n'ont pas bien fonctionné, donc ils ont rentré la fusée au hangar de nouveau et ils vont la ressortir pour refaire les tests. Ils vont la re-rentrer pour la préparer pour la mission et puis la ressortir. Tout ça va nous amener encore, alors qu'elle aurait pratiquement dû décoller maintenant, ça va nous amener peut-être à la fin de l'été pour le lancement. On ne peut pas être sûr. La NASA n'a donné aucune date. Mmh. Elle est en retard. Elle coûte cher. Quand on voit Elon Musk qui fait des fusées géantes récupérables, on se dit mais elle est d'un autre temps. C'est encore un remake d'Apollo où on jette tout à chaque fois. Mais malgré ça, elle est là, cette fusée. Oui. Elle est sortie, on l'a vue. Et moi, je l'ai vue dans les yeux des Américains. Alors, évidemment, c'est tous ceux du Centre Spatial Kennedy qui étaient là. Les familles étaient là, elle a été autorisée, les proches des employés. Mais aussi, vous savez, au Centre Spatial Kennedy, il y a un musée Apollo et navette spatiale qui est à quelques kilomètres. Et là, il y a des gradins pour voir les lancements. Et il y a des marches sur lesquelles les gens viennent manger, c'est à l'extérieur. Et on voyait la fusée, une fois qu'elle était sur son pas de tir, à 4 kilomètres de là. Et je peux vous dire que tous les gens qui avaient un appareil photo tiraient leur téléobjectif au maximum, à la focale au maximum, pour essayer de voir le logo NASA dessus. En fait, ils sont fiers, les Américains, de leur fusée. Et en fait, quand on la voit, ils ont raison, parce que c'est un gros truc, quand même. Elle ressemble à quoi? Décrivez-nous-la un peu. Faites-nous vivre un peu ça par procuration. Voilà, le corps central est un tube qui est très allongé, qui ressemble et d'ailleurs c'est dérivé des réservoirs principaux des navettes spatiales. Vous vous rappelez de ces réservoirs orange? Ils sont plus hauts, plus allongés. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais ça fait au moins 60-70 mètres de haut. De mémoire, et elle est flanquée de 2 boosters. Alors il y a 4 moteurs, c'est des moteurs de navette, et d'ailleurs ces 4 moteurs-là ont volé sur des navettes spatiales par le passé. Ils ont été récupérés, recyclés, réessayés. Et c'est des boosters comme la navette spatiale sur le côté, donc des propulseurs d'appoint à poudre, il y en a 2, un de chaque côté, qui ont été allongés, parce que il y a plus de puissance à emporter. Ce corps central orange, on dirait qu'il est rouillé. En fait, c'est pas une peinture orange uniforme, c'est un revêtement thermique qui est là, et on voit des reprises, on a l'impression que c'est de la rouille. Et tout au sommet, vous avez la capsule qui est encapsulée dans son carénage pour le décollage. Et cette fusée-là, elle a beau être plus petite que les Saturne V, elle est quand même impressionnante. Mmh. Elle est quand même impressionnante, et d'autant que elle est plus petite, mais elle est plus lourde, alors qu'elle n'est pas encore chargée. C'est-à-dire que les boosters à poudre, eux, sont déjà chargés. Et ils pèsent environ 700 tonnes chacun. C'est-à-dire que vous avez déjà une fusée qui pèse environ 1600 tonnes, qui se déplace comme ça, alors que c'est plus de 10 fois plus que les fusées Saturne V quand elles se déplaçaient, parce qu'elles étaient vides, faisaient 110 tonnes, la structure. Oui, oui. Après, avec le carburant, ça faisait 3000 tonnes. Mais là, sans le carburant, donc, même avec les propulseurs à poudre, on est déjà à 1700 tonnes. C'est quelque chose de mastoc. Comment on explique qu'elle soit aussi lourde alors qu'elle est plus petite? Elle est plus lourde parce que les boosters sont chargés. Et c'est de la poudre. Alors que les réservoirs à hydrogène et oxygène liquide, on remplit ça au dernier moment, juste pour le lancement. C'est d'ailleurs cette manœuvre qui a échoué lors des répétitions générales. Il y a eu des fuites, donc ça n'a pas été possible de le faire. Mais par contre, les boosters, eux, ils sont chargés depuis des mois, voire peut-être même 2-3 ans maintenant. Ils ont d'ailleurs une date de péremption, bon, qui n'est pas encore atteinte. Et c'est de la poudre solide qui est là et qui pèse, qui est vraiment mastoc. Mm. Alors, sur les échecs dans les essais, c'est toujours complexe une grosse fusée comme ça. Quand vous faites une fusée plus grosse, vous multipliez les problèmes de manière inconsidérée dans le spatial. Et on oublie peut-être un peu souvent, on se souvient des succès d'Apollo, mais on oublie que ça a commencé par des choses comme ça. Surtout Apollo 1, qui explose sur le pas de tir, après, avec trois personnes à l'intérieur. Il y a eu des choses comme ça qui marchaient pas. Mais à l'époque, l'effort de guerre consenti par l'État américain était tel que on pouvait modifier les systèmes assez rapidement, alors que là, bon, il y a un effort quand même qui est consenti, mais c'est pas le même, donc ça prend un peu plus de temps, d'où ces délais. Et je crois qu'il faut pas être trop dur avec la mise au point technique d'un monstre pareil, parce que c'est vraiment un monstre, cette fusée, que je vais aller voir décoller d'ailleurs, hein. Je vous raconterai, on espère bien, je vous raconterai en direct. C'est normal que ça patauge un peu comme ça au début, mais c'est rien d'alarmant pour l'instant. Parce que la distance entre le hangar et le pas de tir, elle est de combien de... Elle est de 4 km et demi, 5 km. Donc elle est tirée par cette espèce de gros tank à chenilles. Voilà. Le crawler. Le crawler qui a mis 12 heures pour parcourir ces 5 km. Donc elle a commencé ses premiers déplacements à une vitesse extrêmement lente, mais en même temps c'est le pas d'un promeneur tranquille, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on la voit sortir de ce hangar gigantesque. Et puis, on n'a pas l'impression que ça bouge. On n'est pas très loin, pourtant. On est à 200 mètres. Oui. Et au bout d'un moment, on tourne... Forcément, on n'a pas notre attention rivée sur cette fusée qui semble ne pas bouger. Puis, 10 minutes plus tard, vous dites, tiens, on la voit un peu mieux. Et puis, quand elle est à votre hauteur, vous pensez que ça va durer. Et en fait, non, elle passe. Elle marche à côté de vous. Et on la poursuit dans la pelouse pour essayer d'avoir un angle pour faire une photo. Oui. Avec la lune qui se levait, d'ailleurs, ce jour-là. Oui. C'était la pleine lune. On vous a mis quelques photos sur notre fil Twitter. Pour conclure, un mot, Philippe, c'est quoi du coup les prochaines échéances donc on n'a pas de date officielle du tir, et ce sera la mission Artemis 1 qui ne sera pas une mission habitée. Voilà, c'est une mission sans équipage où on teste la fusée et la capsule. D'ailleurs, j'en profite au passage pour signaler que le moteur, en quelque sorte, et tout le support de la capsule Orion qui est au sommet de la fusée, c'est construit par l'Europe. Donc c'est un élément crucial de ce programme Artemis. Donc on va envoyer ce vaisseau spatial contourner la Lune, un peu comme Apollo 8 à l'époque, recontourner la Lune et revenir pour tester l'ensemble de l'architecture de la mission, avec au passage tout un tas de manœuvres pour essayer le vaisseau et la fusée dans son ensemble. Ça devrait intervenir maintenant, je n'ose pas trop m'avancer, mais au cours du mois d'août, voire fin août, voire début septembre. Ensuite, je pense qu'il faudra attendre certainement fin 2023-2024 pour voir Artemis 2, où ça sera la même chose, mais avec un équipage, où on sait déjà qu'il y aura 4 astronautes, dont un Canadien ou une Canadienne, puisque l'Agence spatiale canadienne a passé un accord avec la NASA pour en faire partie. Et logiquement, la NASA promet qu'Artemis 3, en 2025, permettra à 2 astronautes américains de se poser sur la Lune, avec un lancement de SLS, donc, et puis un vaisseau qui doit permettre, non pas seulement d'aller vers la Lune, mais depuis l'orbite lunaire, de descendre sur la Lune et d'en repartir. Et ça, c'est un autre challenge, on va pas en parler maintenant, sinon l'émission est foutue. Sinon on est jusqu'à 17h. mais ça, il se peut qu'il faille s'attendre à un glissement. 2025, je la crois pas très réaliste, cette date. Eh bien, on continuera à suivre ça avec beaucoup de passion. Et puis, évidemment, vous pouvez lire bien le très bon papier de Philippe dans Ciel et Espace qui décrit cette sortie de ce géant. C'est dans le Ciel et Espace de ce mois-ci. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et deuxième dossier de ce vendredi d'actualité scientifique. Au départ, il y a donc les lichens, qui est le premier cas historiquement attesté de symbiose entre deux organismes vivants, une algue et un champignon. Preuve que la somme des parties forme plus que leur simple somme, mais un nouvel organisme, un nouveau tout, qui dépasse la seule addition des deux symbiotes. Aujourd'hui, depuis la découverte du microbiote et de ce million de milliards de micro-organismes qui forment l'holobionte, la symbiose a tout simplement, Philippe Pageot, transformé notre compréhension du vivant. C'est ce que vous expliquez dans la recherche. Tout à fait, donc on a consacré un gros dossier de la recherche d'une quarantaine de pages sur la symbiose et toutes les conséquences que cela a sur effectivement la recherche. Alors d'abord, il faut savoir que symbiose, le mot symbiose, c'est quelque chose de très ancien, ça remonte à l'Antiquité, hein, déjà donc il y avait déjà cette idée de cohabiter, de partenaire, de compagnon qui est déjà ancien, et même par métaphore, c'était déjà entré dans le domaine scientifique au 4e siècle. On parlait de la symbiose, par exemple, de l'olivier et du lierre, c'est quelque chose qui était ancien. Mais ça se cristallise effectivement au 19e siècle essentiellement avec cette histoire du lichen, où petit à petit on voit effectivement à l'intérieur du lichen une sorte de filaments champignons qui sont mêlés à des noyaux d'algues, et on arrive à ce concept de symbiose. Alors il y a eu des termes un peu associés, le commensalisme, c'est-à-dire l'association d'espèces différentes qui est profitable pour l'un et puis sans danger pour l'autre. Il y a évidemment le terme classique, les commensaux, les gens qui mangent ensemble. Le mutualisme avec des interactions mais qui ne sont pas obligatoires et qui sont bénéfiques réciproques. Et puis arrive donc ce concept de symbiose. Cette première définition, on va dire, c'est la vie commune de deux espèces durables au cours de la vie qui est profitable pour les deux au sein d'un habitat commun. Alors il y a plein d'exemples de symbiose, hein. Vous avez essayé de tourner le lichen, mais ça se produit à absolument toutes les échelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à l'échelle de la cellule, les mitochondries à l'intérieur des cellules, on appelle ça l'endosymbiose, et on pense qu'effectivement il y a eu une symbiose initiale et que les mitochondries ont été intégrées au sein de la cellule et ont formé un nouvel organisme. Que c'était une bactérie extérieure finalement, voilà, qui est venue qui est arrivée et qui sert aujourd'hui de réserve d'énergie, voilà, finalement pour la cellule. Pareil pour les cellules végétales. Au niveau de l'organe, il y a des exemple du microbiote, évidemment, par exemple pour la peau humaine, où il y a le microbiote protège la peau et la peau fournit évidemment abri et nutrition. Pour le domaine végétal, pardon Philippe, je vous interromps, mais il faut rappeler que la photosynthèse, c'est une symbiose a priori avec une cyanobactérie, voilà, et que c'est grâce à cette cyanobactérie que les plantes ont pu commencer à faire de la photosynthèse. Exactement, photosynthèse, et donc voilà, le chloroplaste et cellules végétales, effectivement, c'est le même cas que l'endosymbiose. Il y a évidemment les cas très connus de Nemo, le poisson clown qui vit dans l'anémone de mer, et donc là c'est à l'échelle de l'organisme, et on retrouve la même chose dans le domaine végétal avec les champignons et les racines, je donne cet exemple, et puis les fourmis des arbres, enfin on pourrait multiplier des exemples, c'est énorme. Alors il y a une sorte de nouvel engouement pour la symbiose qu'on a vu, parce que pourquoi s'intéresser finalement à la symbiose aujourd'hui alors que c'est pas si ancien. Alors il y a cette excitation là, vous vous souvenez du succès de ce livre, La vie secrète des arbres, qui parlait de Peter Volleben effectivement, qui a été un hit planétaire avec cette coopération racinaire. On appelle ça le web sous la terre, enfin, c'est assez rigolo. Il y a des concepts d'économie symbiotique, hein. Aujourd'hui la symbiose sort du champ un peu scientifique pour être utilisée dans plein de domaines. Il y a même des étoiles symbiotiques dans le domaine de l'astronomie. Ouais. Voilà, des artistes qui surfent un peu sur ce concept d'entrelacement. Et en fait, ce concept d'entrelacement, de symbiose, de coopération est étudié plus précisément aussi par des chercheurs, dont Éric Battès notamment, qui est un philosophe et un biologiste qui a travaillé dessus, et donc qui s'est interrogé sur finalement aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la symbiose. En fait, est-ce qu'il y a une définition scientifique qu'on pourrait faire au-delà de cette définition ancienne? Alors en fait, il se trouve que c'est pas si facile que ça. Parce que ce que explique Eric Battès, c'est que ça varie en fait en fonction des spécialistes selon le domaine. Et en fait, pour lui, en fait, c'est au minimum deux entités de nature différente, cellules, organismes, molécules, qui sont fonctionnellement intégrées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des interactions, qu'elles soient chimiques et biologiques. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet entretien d'Éric Battest, c'est qu'il dit que la symbiose, ça peut descendre au niveau moléculaire même. Exactement, exactement. Et donc, ça va assez loin, notamment au niveau moléculaire. Et en fait, pour lui, l'interaction gène-protéine, finalement, c'est une sorte de symbiose. Parce qu'il n'y a pas de protéines sans gènes et pas de gènes sans protéines. Les gènes permettent de créer des protéines et qui permettent aux gènes de s'exprimer. Tout ça, il y a une interdépendance extrêmement forte. On peut dire que c'est une sorte de symbiose. Alors du coup, on peut aller encore au-delà. Il y a ce concept, effectivement, que vous avez mentionné tout à l'heure, qu'on appelle l'holobionte, en fait. L'holobionte, c'est quoi? En fait, ça vient de holo, qui veut dire tout, et bio, qui veut dire vide. En fait, on serait tous, en fait, des sortes de composites, des êtres qui vivant avec de multiples espèces, en fait, qui se développent et évoluent ensemble. Voilà. Ce qui a énormément de conséquences également pour l'évolution. Et c'est ce que essaye de faire avec Battest. Justement, il essaie d'élargir un peu le champ de recherche en biologie. En étudiant ces interactions, alors depuis toujours les biologistes étudient les interactions, mais là d'aller plus loin avec ça, et trouver des outils conceptuels en fait pour étendre la théorie de l'évolution à toutes ces interactions, à tous ces embranchements, voilà. Et c'est ça qui est aussi vraiment passionnant quand on se plonge un peu dans cette compréhension de la symbiose, c'est-à-dire que finalement la symbiose, que ce soit au niveau, vous le disiez, des mycorhizes, c'est-à-dire du fait que les racines des arbres peuvent prendre et profiter des composés organiques dans le sol grâce à des champignons, donc c'est une symbiose. On a parlé des mitochondries, on a parlé du microbiote, c'est-à-dire du fait que nous n'existerions pas si nous n'avions pas en nous tous ces micro-organismes. En fait, la symbiose, c'est la vie. Ça nous conduit à repenser finalement la notion même de vivant. Et c'est passionnant. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment central dans l'évolution. Et il y a tout cet aspect un peu presque philosophique, hein, on pourrait dire, qui nous fait repenser complètement la notion de vivant, d'intégration, d'entrelacement. On pourrait ensuite redonner, en tout cas dans le dossier, on donne pas mal d'autres exemples sur jusqu'où on peut aller. Parce qu'il y a aussi cette histoire de dépendance. Est-ce que finalement la symbiose, ça pourrait pas être une dépendance? Parce que quand vous vivez ensemble, voilà, il y a où est la limite? Là, c'est Marc-André Selosse qui fait ça. Oui. Et puis évidemment, il y a des conséquences très pratiques avec les stratégies d'amélioration des plantes. Finalement, on peut utiliser cette symbiose, enfin, l'étude de la symbiose et du microbiote pour essayer d'améliorer les rendements agricoles, par exemple. Et ça peut aller aussi au-delà avec le lien humain-machine. Est-ce que vous êtes en symbiose avec votre téléphone, Nicolas, ou est-ce que vous êtes dépendant? Quelle est la limite entre moi et mon téléphone? Heureusement, je pense qu'elle existe encore, mais à quel niveau? Non, c'est passionnant. Peut-être Cécile Breton, un petit mot là-dessus, parce qu'effectivement, que ce soit sur ces questions liées au microbiote ou en tout cas à la conception que le vivant tel qu'on le connaît n'existerait pas sans cette forme de coopération mutualiste extrêmement forte, ou en tout cas d'agrégation de différentes formes de vivant. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je trouve que c'est aussi un message très intéressant, justement, pour les questions de dérèglement climatique, quoi. Parce qu'on va enfin peut-être arriver, grâce à cette image de la symbiose, justement, à montrer que les écosystèmes sont aussi des multiples interactions d'êtres qui ne peuvent survivre les uns sans les autres. Donc, je pense que c'est un message aussi pour la prise de conscience des problèmes climatiques, quoi. Montrer qu'on change un des paramètres et tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, quoi, puisque il y a des collaborations très étroites. Eh bien voilà, si vous voulez tout savoir sur la symbiose et savoir connaître tous ces petits organismes qui font que vous ne seriez pas vous-même s'ils n'étaient pas là et qu'ils sont peut-être plus vous que vous-même, qu'est-ce qui vous définit? Est-ce que votre microbiote finalement est plus individualisé que vous ne l'êtes vous-même et que vos cellules, puisque nous avons plus de micro-organismes que de cellules? Eh bien toutes ces réponses à ces questions quasiment philosophiques sont à retrouver dans le trimestriel de la recherche Symbiose, c'est en couverture. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et dernier dossier de ce vendredi d'actualité des sciences et de la recherche, qui est donc Edmond Perrier? Vaste question. Zoologue, président de la Société française d'eugénisme, et oui, vulgarisateur, un soupçon misogyne, on ne va pas se le cacher, vous allez nous en parler d'ailleurs, Cécile Breton, mais également Edmond Perrier est un évolutionniste qui a tenté d'appliquer les recettes darwino-lamarckiennes à la vie extraterrestre sur Mars et Vénus. Racontez-nous un peu qui est cet étrange personnage. Vous avez presque tout dit, là. Ah ben non, c'est à vous, c'est vous qui allez tout nous raconter. Non, je suis contente de justement de parler de cette rubrique qui est tenue par Éric Buffetaud, qui est un des piliers d'espèces et qui exhume toujours des personnages assez passionnants de l'histoire des sciences. Alors oui, vous l'avez dit, Edmond Perrier, c'est un brillant zoologiste. Attention, c'est pas un fantaisiste. Hein. C'est quelqu'un qui est rentré au Muséum d'Histoire Naturelle en 1868, hein, il est né en 1844. Et moins de 10 ans plus tard, il devient professeur et puis il devient directeur du Muséum national d'histoire naturelle en 1900. Il a mené des campagnes océanographiques. C'est un spécialiste des vers oligoquettes, hein, dont font partie les lombriques, hein, des échidendermes, etc. Il a écrit plusieurs livres, dont plusieurs font date, hein, notamment un livre sur les colonies animales. Mmh. Alors, ceci étant posé, c'est aussi un vulgarisateur de talent, quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à énormément de choses différentes. Il va publier dans un journal qui s'appelait Le Temps à l'époque, une rubrique qui s'appelle Le Monde Vivant, sur les sujets, c'est les pôles, la préhistoire, le sommeil, justement la place des femmes, hein, comme vous l'avez dit, il n'était pas très progressiste dans ce domaine. Non. Mais aussi il va parler de spiritisme, de la faune africaine, enfin bref, c'est très large. Et évidemment, naturellement, il va aller s'intéresser à la vie sur les autres planètes. Donc on pense, enfin, certains pensent qu'effectivement, on peut parler du premier exobiologiste, en tout cas les premiers balbutiements de l'exobiologie. Oui, parce alors, que son livre... Avant de continuer... Non, je l'ai dit, son petit livre, il publie La planète Mars et le paradis perdu dans un livre qui est paru en 1911. Voilà, c'est ça, la vie dans les planètes. Et juste pour petite parenthèse, effectivement, vous l'avez dit, c'est un transformiste, hein, donc c'est un disciple de Lamarck, hein, c'est quelqu'un qui considère à l'époque que l'évolution combine l'influence du milieu et le progrès spontané des êtres vivants. On a une époque où on remet un peu en cause le darwinisme, enfin pas vraiment, donc il y a un petit rôle de la sélection naturelle dans ces théories, mais en fait, c'est vraiment le milieu qui fait, et la transmission des caractères acquis qui fait que la vie évolue. Et aussi, il pense qu'effectivement, il y a un déterminisme du créateur, donc que ces lois de l'évolution, elles sont transposables à toutes les planètes, et elles sont invariables, et donc il va s'appliquer dans ce livre à les appliquer aux autres planètes. Alors il va commencer par... il parle essentiellement de Vénus, hein, et de Mars à l'époque, hein. Il va plus s'intéresser à Mars, pour deux raisons, parce que Mars est plus ancienne, donc l'évolution a forcément eu plus de temps pour créer des créatures intéressantes, et en plus, bon, il considère par exemple que Vénus elle est plus ou moins à l'ère primaire ou secondaire, donc c'est pas très intéressant, l'homme n'est pas encore là, donc c'est anecdotique. Mais commençons peut-être par dire un mot de Vénus, parce que c'est intéressant. Il imagine vraiment que finalement la chronologie évolutive est moins avancée, mais tout de même, du coup, comment il décrit Vénus? Racontez-nous un peu ce qu'il imagine à la surface de la planète. Ah oui, je me souviens plus des détails, mais effectivement, c'est des forêts avec l'air primaire et secondaire. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, il calque vraiment ce qu'on sait à l'époque de ces périodes, hein, où il y a encore des insectes, il n'y a pas encore de mammifères, etc. C'est des grandes forêts avec des fougères, il y a encore plantes à fleurs. Enfin bref, il calque vraiment sur une planète ce qu'on sait des origines, des premiers temps de la vie sur Terre. Oui. Et donc c'est ce qu'il va faire avec Mars, effectivement, en continuant à anticiper sur comment l'évolution, en fait, Mars est l'exemple de ce que l'évolution aurait pu donner et ce qu'elle va peut-être donner d'ailleurs sur la Terre. Ouais. Excuse-moi de vous couper, Cécile, ce qui est intéressant, ouais, c'est qu'il faut se rappeler, parce qu'on a tendance à oublier ça, mais qu'au début du XXe siècle, l'hypothèse de la vie sur Mars est encore tout à fait fertile. On pense qu'il est tout à fait possible qu'il y ait de la vie sur Mars avec les fameux canaux de Schiaparelli. C'est ça, c'est une des observations sur laquelle il va se baser. Et aussi, il faut se rappeler qu'en 1898, c'est l'apparition de la guerre des mondes, hein, de Wells. Donc Mars est aussi dans tous les esprits et vraiment une planète à la mode. Et donc oui, Schiaparelli en 1877, donc c'est bien plus ancien, hein, il repère sur la planète Mars, donc avec sa lunette astronomique, c'est le directeur de l'observatoire de Milan, des lignes régulières qu'il va appeler canali en italien, qu'on peut traduire par, qu'on a traduit par chenaux, mais en fait qui veulent plus dire qu'à nous. Donc en fait, ça suppose. Schiaparelli, lui, va pas partir dans cette théorie-là, de dire que ces canaux ont été créés par des êtres intelligents, mais disons que plus il publie ses dessins de Mars, et plus les lignes deviennent régulières. Oui. C'est ce qu'on peut, observer. Donc Edmond Perrier va se baser un peu là-dessus. Pour appuyer sa théorie, hein, et il va partir. Donc dans ce livre, il explique, il imagine. En fait, il imagine. Est-ce que on est entre la théorie scientifique et l'imagination que donc les êtres vivants qui donc il y a forcément des gens qui nous ressemblent plus ou moins, mais enfin ils sont adaptés au milieu martien. Donc il y a moins de lumière, ils sont blonds à la peau claire. Hein, c'est en surprise. Ouais. La pesanteur est faible, donc ils sont grands. L'atmosphère est rare, donc ils ont une espèce de large poitrine qui leur permet d'absorber plus l'atmosphère. Enfin bref, ils sont plus intelligents. Et là, il va même imaginer la société idéale dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire que c'est une société égalitaire, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie, etc. Mmh. De toute façon, effectivement, ceux qui sont un peu réfractaires à ce monde idéal, hein, qui est presque un monde communiste parce qu'ils partagent les biens, etc. Tout le monde est fonctionnaire, surtout. Il n'y a pas de gouvernement, voilà, simplement quelques administrateurs. Et voilà, c'est l'État est partout, il n'y a plus de nation non plus. Donc c'est entre l'eugénisme et l'utopie communiste. C'est assez curieux comme mélange. Oui, parce que les réfractaires, ils sont isolés et éventuellement stérilisé. Ouais. C'est-à-dire que, oui, là, on se rappelle que c'est effectivement le président de la société française de génie qui a... pour lui rendre... pour lui être... À l'époque, cette société, elle est quand même relativement modérée. On n'est pas dans la stérilisation à grande échelle, comme on a vu aux États-Unis, quoi. Mm. On considère qu'on peut améliorer les conditions de vie. En améliorant les conditions de vie des gens, on va améliorer donc l'espèce elle-même, quoi. Oui, donc c'est dans cette logique-là, on n'est pas encore dans les dérives extrémistes. Mm. Enfin, bon, bref... Allez-y, je vous en prie. Il termine... alors, ce qui est assez drôle, quand même, parce qu'il est assez conscient, c'est, comme j'ai dit, c'est quand même un chercheur et quelqu'un, donc c'est, il faut, enfin, ce que j'aime dans ces rubriques, c'est justement, il y a toujours beaucoup de bienveillance. Il faut se mettre à la place de cette époque-là, de ce qu'on connaissait, parce que, puis je rappelle aussi quand même, on a vu là sur Mars, il n'y a pas encore pas très longtemps, une porte, hein. Oui. Je sais pas si vous avez vu ces images de Curiosity qui ont été prises et qui ont été interprétées évidemment sur les réseaux, donc c'est pas au Muséum d'Histoire Naturelle qu'on l'a, mais bon, c'est pareil, idolie, hein. Oui. Donc on cherche toujours des choses qui ressemblent à ce qu'on connaît. Mais bon, donc pour finir, oui, Edmond Perrier, il finit son livre en disant « Ai-je rêvé ce que je viens d'écrire sur Mars, ne l'ai-je pas lu quelque part comme un rêve d'avenir pour notre Terre ?» De quelque part, il est aussi assez conscient du moment qu'il a un peu dérapé dans sa, dans ses théories. Et donc, ça en fait quelqu'un d'assez attachant et de passionnant, quoi. Oui, c'est assez amusant à lire. Ça inspire beaucoup Philippe Pageot. Oui, c'est effectivement cette histoire de vie sur Mars. Vous mentionniez effectivement les canaux. Mais il y avait des concours qui avaient été faits à la fin du 19e, du 20e, qui demandaient aux gens, si vous prouvez qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, vous aurez un prix, sauf sur Mars, où la chose était déjà établie, où on pensait que c'était quelque chose de complètement établi. Donc, C'est vrai que cette hypothèse a duré étonnamment tard. Hein. Le fait que Mars soit une planète stérile, on a longtemps pensé et cru que Mars était tout à fait habité. Oui, parce qu'au télescope, les premières observations montraient que des similitudes avec la Terre, deux calottes polaires qui grossissaient et se rétrécissaient avec les saisons, une inclinaison polaire comme la Terre, une durée du jour quasi similaire à celle de la Terre à 24 heures, et puis ces traces qu'on voyait qui semblaient changer de couleur aussi en fonction des saisons. Alors c'était une histoire de réflexion sur le sol en fonction du soleil et de l'avancée des calottes polaires. Et tout ça, on projetait directement le rêve. Et alors, je peux vous dire, au mois de décembre prochain, Mars sera relativement proche de la Terre. Allez dans des observatoires, observez Mars au télescope. Si vous voyez des canaux, vous venez me le dire, parce que moi, j'observais Mars avec des grands télescopes. Les canaux, je crois qu'ils se sont entretenus dans cette idée-là à partir du moment où ils ont vu ces alignements. Et ben voilà, si vous observez Mars au télescope et que vous voyez des canaux, n'hésitez pas à écrire à Philippe Enareros à Ciel et Espace, à la une de Ciel et Espace, Philippe. Oui, les nouveaux trous noirs, c'est ce qui est révélé par l'astronomie gravitationnelle. À la une de la recherche. La symbiose, et plein d'autres choses aussi. Voilà. On vous met le lien sur notre Twitter. Et à la une de la revue Espèce, Cécile. Alors, les papillons à ailes d'oiseaux dans le nouveau numéro, les ornithoptères.